Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Reporter, photographe avec un trait d'union. Peu importe. Oui, photographe en tout cas, qui a sillonné le monde avec ses appareils photo et qui a de temps en temps, souvent, très souvent, à bon escient, su prendre les bons clichés. On connaît ces photos d'Asie, ces témoignages de la guerre du Vietnam, côté américain, puis côté vietnamien. On ne saurait résumer ici, en introduction à la série d'Avenue qui vient, les travaux et les jours de Marc Riboud. Et du reste, par définition, ce ne serait pas nécessaire, puisque, précisément, voici les trois premiers volets de cette série, diffusée pour la première fois sur France Culture en avril 2006. L'enfance lyonnaise, la famille, l'adolescence, le maquis du Vercors, l'agence Magnum, le voyage en Chine, le regard et l'attention bienveillante d'Henri Cartier-Bresson et de Robert Capa. Avenue, Marc Riboud, au micro de Thomas Baumgartner. À voix nue, Thomas Baumgartner, en compagnie de Marc Riboud. C'est une conversation qui commence aujourd'hui, une conversation qui durera toute la semaine. Conversation en 5 étapes, donc avec Marc Riboud, photographe voyageur, promeneur plus exactement, disciple d'Henri Cartier-Bresson et de Robert Capa, un homme qui a fait plusieurs fois le tour du monde, auteur de reportages au long cours en Asie, en particulier Vietnam, Cambodge, Chine, l'Inde aussi. Un homme curieux du monde qui met le plaisir de l'œil au centre de son travail. Bonjour Marc Riboud. Bonjour. Tout ça, ce sont des mots sans doute un peu rapides, qui sont forcément insuffisants pour évoquer votre travail, mais on a toute la semaine pour les préciser. On est chez vous, on peut le signaler, on est dans votre atelier. Merci de nous recevoir pour ces 5 discussions. Et la première de ces discussions pourrait s'intituler « L'enfance et les années intenses ». Mais avant de développer tout ça, on pourrait commencer par votre état civil. Qui êtes-vous, Marc Riboud ? D'où venez-vous ? Où êtes-vous né ? Ouh là là, d'abord bienvenue, c'est moi, j'aime beaucoup recevoir des gens qui s'intéressent à la photographie. Écoutez, mon enfance, je suis mon état civil, je suis né le 24 juin 1923, il y a donc très longtemps, et je suis né dans la banlieue de Lyon, Saint-Genis-Laval. Et j'étais le 5e d'une famille de 7 enfants. Mon état civil, en gros, s'arrête là. Oui. Une figure qu'on peut évoquer tout de suite, c'est celle de votre père. Qui était-il ? Ah, mon père, oui. Peut-être eu la plus grande influence que j'ai eue, et surtout après sa mort. Il est mort quand j'avais 16 ans. Mais mon père, je ne peux pas vous dire quand je l'ai vu pour la première fois, mais je l'ai souvent entendu dire qu'il s'intéressait aux enfants à partir de l'âge de raison, de 7 ans, 8 ans. Donc les poupons, ils ne l'intéressaient pas beaucoup. Mais après, surtout comme adolescent, j'ai reçu par lui le goût de la lecture, et pourtant je lisais très peu, il me le reprochait, à tel point qu'un jour, j'ai dû faire une rédaction au lycée pour décrire ma bibliothèque et j'avais presque pas de livres. Et pourtant, j'ai eu 12 ou 13 ou 14 et mon père était très fier. J'ai inventé un petit peu. Mais mon père... mon père était un bourgeois lyonnais, fils de petit banquier de Villefranche, petit-fils de banquier, et il a certainement eu un parcours original, surtout pour l'époque, et très ouvert sur le monde. Il allait souvent à Paris, il avait des amis à Paris, il a fait Sciences Po, qui était un peu comme l'ENA maintenant, et ses parents lui ont donné un petit cadeau pour avoir réussi l'ENA, il a des bonnes notes, et ce cadeau c'était de faire le tour du monde, avec deux amis. Et son journal pendant le tour du monde a été pour moi une lecture, livre de chevet, comment on pouvait faire ça, et puis je lisais comme c'était, mais après coup, bien longtemps après, j'ai réalisé que c'était bien écrit. Et terriblement vivant. Et j'étais très excité au moment qu'on attendait chaque fois quand on le relisait avec mes frères et sœurs, où il attrapait la peste. Parce que ça, c'était quelque chose qui arrivait, pas banal. Il a attrapé la peste à Phnom Penh, au Cambodge, et il y avait un ami qui s'appelait Maurice Lamberger, un autre qui était une partie du voyage qui s'appelait André Stel, et voilà, et je me souviens que les seules communications avec ses parents, c'était un télégramme, et ils avaient trouvé vous savez, les Lyonnais ont une réputation d'être un tout petit peu pingre, je ne sais pas, mais c'est pas à ce moment-là, ils le faisaient sûrement, ouais. Un télégramme devait coûter cher, mais ils avaient trouvé d'envoyer un télégramme sans un mot, sans un destinataire, sans un bon baiser, rien du tout, ça indiquait le lieu où ils se trouvaient et qu'ils allaient bien, c'était le code qu'ils avaient. Et je n'ai pas la collection de ces télégrammes, mais j'ai pas l'esprit collectionneur, mais je me souviens. Le journal dont vous parlez, ce journal de voyage, était illustré de photos ? Oui, illustré de photos. Il faisait des photos avec un Westpocket Kodak que j'ai hérité en 1934 quand mon père a acheté un des premiers Leica. Il m'a juste passé cet appareil, et j'y pensais ces jours-ci, je l'ai toujours qui traîne par là. Et cet appareil, il avait fait la guerre de 14-18 avec, après avoir été dans les gorges du Canyon, en Amérique, en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, tout ça. Et il avait évité la Chine, j'aime bien l'esprit, parce que comme j'ai été souvent en Chine, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait une épidémie de peste. Alors il l'a évité par le sud. Et en allant au Vietnam, le Cochinchine à ce moment-là, et le Cambodge. Et j'ai su après que, le microbe de la peste diminue de virulence en voyageant. Et donc, en arrivant au Cambodge, il était moins sévère. Voilà, mais mon père, par ailleurs, m'a beaucoup influencé, nous a tous dans la famille, en particulier les garçons, je crois, parce qu'il avait un esprit très ouvert. On disait pas tellement à gauche à ce moment-là, on disait qu'il avait des idées avancées. Il nous a mis au lycée, et non pas chez les, comme toutes les familles bourgeoises, non, chez les curés, comme on disait, ou chez les jésuites. Et puis, surtout pour la culture. Mais je parlais très peu à ce moment-là. Vous étiez timide ? J'étais incroyablement timide. J'étais tellement impressionné par les gens qui m'entouraient, mes frères aînés, les frères et les sœurs aînés, tous brillants. Alors, vous savez, comme Roland Garros, j'écoutais, je regardais à droite, à gauche, mais je ne parlais pas, à tel point que mon père, un jour, me demande « Marc, qu'est-ce que tu as fait au lycée aujourd'hui ?» Et j'ai jamais pu dire un mot. Et tout fort, devant les 7 enfants et ma mère, il a dit, ben Marc, sors de la salle à manger, tu reviendras quand tu sauras ce que tu as fait aujourd'hui au lycée. Je suis sorti, évidemment, je ne suis pas revenu, et je tremblais de l'idée d'apparaître devant ce jugement de toute la famille. Les frères, après, rigolaient, j'étais un peu la risée, timide. Un peu écrasé par cette famille. Parmi vos frères, il y a Antoine Ribou, qui deviendra plus tard le patron de Danone, et puis Jean Ribou, qui deviendra plus tard le patron de Schlumberger. Vous étiez un peu écrasé dans cette famille-là ? Écrasé, je ne crois pas dans ce sens-là. J'étais intimidé, mais par tout le monde. Et j'étais... Non, ça m'intéressait beaucoup d'écouter ce qu'il racontait. Antoine était toujours tellement drôle, il me faisait rire. Je riais, mais... Et puis comme il faisait rien à l'école, il était moins souvent ici, il était dans un internat parce qu'il était maigre, il fallait puis il faisait beaucoup plus de ski que d'études. Et non, je n'étais pas écrasé, c'est pas du tout le terme. Et non, je cherchais peut-être ailleurs. Dès que j'ai eu 16 ans, 17 ans, je disais pas qu'à l'école, j'avais un ou deux amis avec qui je parlais, au lycée. Et ça, je ne le disais même pas, parce que j'avais peur. Et puis, vous savez, quand on a pris l'habitude de ne pas parler, si on se met à parler, ça fait bizarre. 16 ans, 17 ans, vous dites, est-ce que c'est là que commence ce que vous appelez les années avec plus d'intensité ? Oui, alors, absolument. Puis, vous savez, j'étais aussi silencieux, puis aussi des déprimes, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais là, il faut signaler quelque chose de très important pour moi. Je me suis aperçu qu'à l'école, ce qui m'intéressait, me fascinait, c'était la géométrie. La géométrie pure, la géométrie descriptive. J'adorais, je comprenais ce que je voyais. Ce qu'on peut comprendre en voyant les perspectives, les coupes d'un cylindre par un cône, la projection. Ah, mais j'avais un plaisir de l'œil, au fond, déjà, sans le savoir, extraordinaire. L'algèbre, c'était un télo pour moi. Je comprenais pas bien, mais heureusement, en maths en première, au bac de première, j'étais en imprime, j'ai eu 28 sur 20 en maths. 28 ? Oui, 28 sur 30, pardon, oui, non, ça n'était pas fort. Vous voyez, j'ai oublié les soustractions. 28 sur 30 en maths, et 2 sur 20 en latin, peut-être... 8, 10 en français, 7, 8. En fait, j'étais admissible, mais on a dit 28 sur 30, il va faire l'X. Et puis, alors j'ai fait maths sup. On commence maths sup, et après maths sp, oui. Oui, c'est ça. Maths sup. Alors là, j'ai commencé en descriptif. J'étais passionné aussi. Après un trimestre, le proviseur a mis sur le bulletin trimestriel excellente en perspective. En descriptive, mais le reste. Mais je me rends compte qu'au fond, après j'ai quand même été reçu à Central de Lyon par hasard, par erreur à mon avis, mais oui, Central de Lyon, et j'ai fait, alors là il y a eu des tas d'arrêts, il y a eu la première année de Central peut-être, et puis après il y a eu le maquis, la résistance à Lyon. Alors mon père était mort en 39. Mais c'était un réflexe naturel de joindre le maquis, de la résistance d'abord, distribuer le combat au lycée. Mais ça commençait à devenir dur. J'avais un copain qui était au lycée Ampère, Pierre Bloch. On le voyait tous les jours. Un jour, on est pris tous les deux dans un cours par un pion qui nous dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il demande nos noms. Et Pierre Bloch dit, je dis Marc Ribou, et évidemment, il me dit, et moi, je dis Pierre Bloch. Et que, bon, on est restés copains, tout ça, l'année suivante, plus de Pierre Bloch, je ne sais plus savoir où était sa famille et tout ça. Mais, et puis j'ai été après au lycée du Parc pour Matsup. J'avais un contact pour les journaux, pour porter des messages, lycée Ampère. Il m'avait dit, un type s'appelle Bouteloup, j'ai toujours vu. Et je dis, alors il me donne un nom au lycée du Parc. Et je demande à des amis, est-ce qu'un tel est là ? Je le vois, je dis, je viens d'un tel, il m'a dit que je pouvais te parler, tu sais ce qu'on fait, comment, je ne suis pas au courant, il a joué. Et tout était comme ça. Bon, il fallait faire terriblement attention, c'était 43-44. En 44, je vais dans le maquis, mais ces années-là, de l'occupation, reste dans ma mémoire comme des années extraordinaires. Et dramatiques pourtant. Dramatiques, mais tellement fertiles en contact, en sérieux, en culture. L'argent n'existait pas, puisqu'il n'y en avait pas. Voyage n'existait pas, c'est à bicyclette. Mais, on écoutait radio le soir, ça était tout brouillé. Mais et en même temps, les amis, tu as une place, les amitiés, les amours, les rencontres, tout ça. Tout avait aussi un danger, mais c'était extraordinaire. Est-ce que c'est une période qui vous a aidé à sortir de votre coquille aussi, parce que c'est, oui, c'est l'adolescence, bien sûr. Voilà, mais vous... Bien sûr, il y a même une espèce de... Je me souviens, vous savez, quand on a 18, 19 ans, on croit être intelligent et comprendre le monde, et comprendre. Et je me rappelle, une fois, je descendais en courant, et je me suis dit, jamais je serai aussi heureux que maintenant. Et comprenant, et croyant comprendre. Mais c'est des années, et j'ai retrouvé un petit peu, pour faire un flash beaucoup plus tard, dans les années 77, 75, en Europe de l'Est, les gens qui résistaient, qui n'étaient pas dans le système d'apparatchik et du parti, il y avait une ferveur culturelle, il y avait un courage. Je vois une femme que je vois encore, Nafarova, à Prague, qui a passé un an et demi ou deux ans pour traduire un livre de Denis de Rougemont en un exemplaire, puisque c'était impensable d'avoir une photocopieuse. C'était un service date pour un exemplaire qui a été lu et relu peut-être plus sérieusement que s'il avait été imprimé en exemplaire. Et les amitiés et le courage de cette femme qui avait signé la charge 77 avec Havel et avec d'autres, et qui du jour au lendemain a perdu son passeport, son téléphone, ses deux filles chassées de l'université, elle, arrêtée. Et tout. Anna Farova. Oui, Anna Farova. Et... Mais il y a quelques jours, je lui ai envoyé ce livre-là, je suis en rapport avec elle. Elle a quelque chose d'amer, quelquefois, parce que, et je la comprends tellement, parce que nous vivons dans un monde où le courage de ces gens-là ne représente pas grand-chose. C'est balayé par cette tourmente de la consommation, des médias, de tout ce qui va vite et ce qui doit... Et elle a été malade, elle a eu un cancer, elle va mieux, et puis... voilà. Mais comment avez-vous, vous, été mis en relation avec à cette période-là, ces gens, à Prague? On ne sait pas, vous savez, c'était des filières, c'était des amis d'amis. Mais Anna Farova, était la femme responsable avant l'occupation soviétique, de la photographie en Tchécoslovaquie. Et elle était, vous savez, la photographie tchèque avait une très grande importance. L'école de photographie et le centre de la photographie étaient comme ici, aux Champs-Élysées. C'était sur le quai, là, au numéro 2, quand je suis arrivé là-bas, une magnifique maison du 18e, je ne sais pas, magnifique. Et donc, elle a été là et elle a été directrice au musée l'art décoratif de la photographie, et du jour au lendemain, elle a perdu son poste et tout ça. Et alors, je l'ai connue à cause de la photographie, à cause de Cartier-Bresson et d'autres. Et de la charte des 77, c'est ça La charte de 77, qui était une charte qui avait été signée par l'Union soviétique et les pays de l'Est, mais jamais appliquée. C'est une charte qui demandait les contacts entre les pays, de la pensée intellectuelle, la liberté de penser, liberté de... Et ça, les Russes, tout ça comme toujours, avaient signé et puis jamais tenu compte. Mais vous savez, aujourd'hui, tout le monde va en Chine, tout le monde pense que la Chine, c'est merveilleux, extraordinaire. C'est comme la charte 77, il n'y a aucune liberté de culture, aucune liberté de pensée. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire dont on parlera cette semaine. Voilà, ouais. Chaque fois, chaque jour, son problème. Donc vous disiez que c'était une période intense malgré le contexte. Oui, une période très intense, en effet. Et là, je réalise qu'au fond, on était beaucoup plus sérieux et beaucoup plus profond et beaucoup plus gai aussi. Et puis, c'est curieux, parce que je suis parti dans le Vercors à 20 ans, et avant j'étais timide, j'avais pas vu le monde, j'étais pas sorti de Lyon à peine, si, une fois à Paris en 37. Mais je ne sais pas, la vie a fait que tout d'un coup on est fait face. Et quand j'allais porter à des militaires qui étaient des militaires en uniforme de l'armistice, mais qui faisaient de la résistance, quand j'apportais des messages, je vois bien qu'ils étaient... Ils ne pouvaient pas me faire complètement confiance, mais ils prenaient le billet, ils me mettaient là. Mais on utilisait, oui, des femmes, des jeunes comme moi, Bon, et puis ça, c'était quand j'avais 18 ans, 17. Mais quand je suis parti dans le Vercors, oui, 43, début 44, oui, Non, mais ça, il n'y a pas de raison d'en parler beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, beaucoup de gens y sont allés, effectivement, mais vous y étiez. Non, Vercors, pas beaucoup. 5 000, on pensait qu'on était 25 000. Parce que, pour te dire le moral, il ne fallait pas qu'on soit trop peu nombreux. Comment ça s'est passé, cette période au Vercors, précisément, dans le maquis, pour vous ? Là aussi, si vous voulez, je dois dire, j'avais été aussi, pendant une période... scout, donc appris à vivre dehors, un peu des choses comme ça. J'avais eu de très bons amis au scout et qui sont partis dans le Vercors. Pas dans le Vercors, certains dans le Vercors, certains dans d'autres maquis. Mais j'étais comme si à côté de vous, avec certains amis, je ne savais pas qu'il était dans la résistance aussi. Je l'ai su un peu petit à petit, mais on en parlait quand on allait ensemble à un concert le dimanche soir à la salle Rameau à Lyon. Comme ça, le bruit de la musique et tout ça étouffait. Tout ça est très bon, mais aussi, vraiment, arrivé à ce moment-là, les gens, on entendait la mort de... Mon frère était arrêté, on était en camp de concentration. Votre frère Jean ? Oui, oui, c'est ça. Ma sœur, son fiancé, a été tué dans le Vercors. Les circonstances terribles, arrêté, pas loin de moi, tout ça. Accusé. Alors, le mot qu'on entendait toujours à ce moment-là, le Vercors... C'est le mot terroriste. Nous étions des terroristes. Et tous les jours, dans les journaux français de Lyon, le Nouvelliste, on parlait des terroristes qui faisaient sauter des trains, qui tuaient des gens. Et nous étions terroristes. Et là, Jean Foyard, l'ami de mon frère, Jean, et qui était le fiancé de ma sœur Françoise, il a été pris avec un groupe, pas très loin d'où j'étais. J'avais vu la veille, on était dans un poste. Et il y avait Jean Prévost, qui s'appelle capitaine Goderville. Vous savez, c'est un écrivain qui... Et qui a été pris aussi, qui a été tué. Mais moi, j'ai su ça après. Mais quand je suis revenu, là, j'étais à l'endroit, par hasard, qui était l'endroit où il ne fallait pas être, enfin, si on voulait sauver. Parce que j'avais rejoint le 6e BCA reconstitué, qui était un bataillon d'élite, et on était à un passage qui était... qui était en une falaise, et puis une chose, qui était une défense plus facile. Et moi, j'étais à une mitrailleuse, j'étais aussi là avec un ami, Albert Poton, qui est maintenant près de Grenoble, que j'ai vu ces temps-ci, un très chic type. Et la veille du jour où il y a eu l'attaque, vraiment, ils nous ont demandé 2 volontaires pour aller porter la soupe au premier poste, et qui était juste, je ne sais pas, 300 mètres, 400 mètres, dans la forêt. Et alors, on y a été avec Albert Breton. Et puis, pendant qu'on apportait la soupe et qu'il mangeait, les premiers tirs ont commencé de mortier. Alors, les très bons militaires, il faut jamais rester en groupe, se mettre en éventail dans la forêt à gauche, dans la forêt à droite et au pied d'une muraille. Et là, je me suis mis, la nuit est tombée, ça tirait. Et un moment extraordinaire, on entend en allemand, au début, je ne comprenais pas. Pas parce qu'il venait de derrière nous, tout un discours hurlé. Et j'ai su après, j'ai compris quelques mots qui disaient « Hitler a été assassiné, il y a eu un attentat ». C'est vrai qu'il y avait eu un attentat, c'est le 21 juillet, tout ça j'ai su après, mais Hitler y a échappé. « Rendez-vous, nous, je ne sais pas quoi, tout un truc comme ça ». Les tirs, pendant que disaient ça, se sont arrêtés. C'était, j'ai su, un lieutenant alsacien qui parlait anglais, qui était là. Et c'est extraordinairement bien fait. Et les Allemands sont arrivés, ils ont envoyé une éclaireur à le tuer. Et ça s'est arrêté. J'aurais dû savoir, quand ça s'arrête, c'est qu'ils avancent pour ne pas se tirer dessus. Et dans la forêt, dans la nuit, j'entends dans la forêt des Bott, j'ai pas vu, mais il devait être à 20 ou 30 mètres. Moi, alors, j'ai eu très peur, on a toujours très peur, mais on garde, je crois dans ces cas-là, je m'en aperçois après coup, une espèce, il le faut, de maîtrise de soi. Enfin, ça va, ce qui sauve, c'est l'intelligence. Il faut savoir ne pas prendre trop de risques. Mais là, j'étais seul, parce qu'on avait fait en avant. Mais après, j'ai rejoint le type avec qui j'étais la mitrailleuse. Et là, alors, les Allemands ont tiré, ils étaient en haut de la selle, ils étaient tout autour. Mais ça a duré 2 heures. Et après, on n'avait plus ni de munitions, rien. J'ai caché ma mitraillette sous des cailloux, sous des pierres. C'est ce qui m'a sauvé, parce que si j'avais eu encore des mitraillettes, peut-être que j'aurais tiré. Mais non, parce qu'on savait... Déjà, à ce moment-là, que les Allemands ne faisaient pas de prisonniers. Là, je crois, ce qui m'a sauvé, c'est de faire ce que les autres n'ont pas fait. Au lieu de m'évader d'une direction, je suis rentré dans une direction qui était une combe, mais qui était en direction des Allemands. Mais je ne passais pas à découvert. Et ceux qui sont passés à découvert pour aller dans la direction ne sont pas revenus. Et le... Enfin, je n'ai jamais raconté ça comme... Non, mais c'est vrai. C'est ce qui vous a sauvé, en fait, et qui vous a permis de revenir sur Lyon un peu plus tard. Ouais, mais j'ai passé 3 semaines dans des crottes, là. Oui. Avant que les Allemands partent, parce que là, les Allemands après ont brûlé systématiquement toutes les fermes isolées. Je suis arrivé à pied à Lyon un mois après, et ma mère avait eu un message comme quoi j'avais été blessé et achevé par les Allemands. Ils ont donné une messe pour moi. Et puis ça m'a ressuscité. Merci Marc Riboud pour ce premier entretien qu'on continuera bien entendu demain. J'ai trop parlé là. Pas du tout. À voix nue, Thomas Baumgartner avec Marc Riboud. Notre conversation avec vous, Marc Riboud, continue. Bonjour. Bonjour. C'est le deuxième volet de notre discussion. Après avoir évoqué votre enfance et les années intenses, comme vous l'avez dit vous-même, les premières années, la famille, l'amitié, le maquis dans le Vercors, nous allons aborder votre entrée et vos aventures chez Magnum, l'agence Magnum, où vous avez commencé professionnellement votre métier de photographe sous la double autorité, pour le moins prestigieuse, d'Henri Cartier-Bresson et de Robert Capa, deux des cofondateurs de l'agence Magnum, agence dont vous-même vous avez été un des piliers pendant des années. On continue donc dans la chronologie, mais avant de parler de Magnum et d'Henri Cartier-Bresson, hier on vous a laissé, au moment où vous arriviez, vous reveniez du maquis et vous arriviez à Lyon, votre mère vous croyait mort, pourtant vous étiez bien là et vous avez repris vos études en fait à Centrale Lyon. Oui, c'était dur de reprendre des études après ces aventures. Et aventure peut-être périlleuse, mais aussi extraordinaire. Alors d'être assis sur les bancs d'une école m'ennuyait. D'autant que les études n'ont jamais été vos... Non, jamais mon fort, jamais mon... Oui, c'est vrai. Alors, je partais faire du ski, des raids, je me souviens des trucs incroyables... Même d'aller en Suisse sur le Münch, ces sommets près de la Jungfrau, étaient des aventures. Il fallait un passeport. J'étais jamais sorti de France. Et tout ça fait que je pensais très peu aux études. Alors, pourtant, vous trouvez du travail après Centrale. Pas si facilement que ça, parce que non, je dois dire que même là. Mon frère Antoine a eu un peu pitié de moi, m'a donné un stage. J'ai fait un stage à l'EDF, alors j'étais ravi parce que j'ai choisi d'aller à la construction du barrage de Tignes. Alors là, c'était la montagne, c'était Tignes. Je suis débrouillé, mais ça n'allait pas très fort. Petit à petit, je fais des vagues stages, des trucs à droite, à gauche, c'est des peu de photos. On ne savait pas quoi faire de moi. La photo était déjà là quand même. C'était... Je faisais un peu de photos. Oui, je faisais un peu de photos. J'étais au barrage de Tignes. Alors d'ailleurs, à ce moment-là, après le barrage de Tignes, j'ai été montrer ses photos la première fois que j'étais voir Cartier-Bresson. Puis j'ai très bien vu qu'il a trouvé ça nul ou quelque chose. Il m'a dit, va les montrer à l'AFP. Et parce qu'il avait un copain à l'AFP. Le copain n'était pas là. J'ai abandonné tout. Alors là, il y a un moment quand même particulier dans une vie. Vous dites, voilà, je suis allé voir Cartier-Bresson. Comment vous rencontrez Cartier-Bresson? Voilà. Mais d'abord, Cartier-Bresson, c'était pas un monstre à ce moment-là. Très vite, il est devenu très connu. Mais quand je l'ai connu, je savais qu'il était connu en Amérique. Je savais que j'en avais entendu parler. Et vaguement, j'essayais de trouver tous les journaux photographiques, mais je m'intéressais quand même à la photo, mais comme un petit hobby. Et puis, mon frère Jean était déjà aux États-Unis. Lui, il était sorti de Buchenwald et il rencontre un ami de mon père, et mon père est en banc depuis 1939, et c'est André Histel, qui, lui, parce qu'il était juif, n'était pas resté en France pendant l'occupation, a fait créer une banque d'affaires. Il a appelé mon frère Jean d'aller là-bas. Et mon frère Jean me parle de Cartier-Bresson. Il me rapporte de New York. Un jour, il venait tous les étés, une vacance, un mois. Il me rapporte le catalogue du musée d'art moderne où il y avait une exposition de Cartier-Bresson. Et là, mon frère me parle un peu tout, et puis j'apprends qu'il pendant l'année qu'il a passé au Combloux, il est revenu tuberculeux de Buchenwald, et il a passé un an dans un sana à Combloux. Dans les Alpes. Dans les Alpes, pas loin de Megève. Et là, c'était un creuset de ferveur révolutionnaire, des gens qui voulaient changer le monde, de gens très intelligents, de garçons, de filles passionnées. Certains sortaient de camps de concentration, d'autres du maquis, d'autres d'épopées extraordinaires. Alors là, mon frère Jean était chargé de la radio interne de Combloux. Et il y avait une fille magnifique, blonde, très douée. Et évidemment, ils sont tombés amoureux. Et voilà. Et comment la fille s'appelait Nicole. Et après, j'ai appris qu'elle s'appelait Nicole Cartier-Bresson. Bon. Et c'est comme ça qu'ils ne se sont pas mariés finalement. Mais j'ai connu par Nicole, j'ai connu Henri. Et donc, vous lui avez porté vos premières photos? Montrer des photos, d'abord il était à ce moment-là en Inde, et j'ai été voir, j'avais su son adresse à Paris, 31 rue de Lisbonne, je peux le dire puisqu'il habite plus là, il n'est plus de ce monde, mais j'ai été souvent là, j'étais là sans le trouver, et surtout au bureau de Magnum à ce moment-là, 125 rue du Faubourg Saint-Honoré, près de Saint-Philippe-du-Roule, et bien, un tout petit bureau où Capa avait créé Magnum dans la salle de bain, on raconte l'histoire de ce petit appartement. Je ne sais pas, c'est parce que là, il avait mis des dossiers, j'en sais rien. Et Capa, j'ai très vite appris que c'était un personnage hors du commun, mélange de playboy et d'un courage extraordinaire. Et puis, toutes les belles filles tombaient dans ses bras, d'Ingrid Bergman, tout ça. Alors pour moi, c'était un monde complètement étranger, moi qui étais timide comme un rat, devant les filles, devant tout le monde, et à Paris, devant ce monde cosmopolite. Et à ce moment-là, c'est bien après que j'ai réalisé, par exemple, que Magnum avait été créé par une équipe extraordinaire, David Seymour, Robert Capa, il y a d'autres, et Henri, et tout ça. Et une petite remarque, absolument, que tout le monde était juif, même ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est vrai, et parce que c'était la fin de la guerre, parce que la Shoah et tout ça, les survivants, nous étions tous des survivants d'une façon ou d'une autre. Et que on était tous traités de terroristes, on était tous dans la même barque, quoi. Alors. Celui qui corrige vos photos, entre guillemets, celui qui vous conseille, qui vous donne une direction, c'est Cartier-Bresson. Ah oui, même plus que ça, si vous voulez. Capa, c'est lui qui m'a donné un coup dans l'épaule en me disant « Viens avec nous à Magnum ». Aujourd'hui, il faut 2-3 ans pour entrer dans Magnum. Il y en a 200 chaque année qui viennent. veulent rentrer. Mais, et puis là, il me tape sur l'épaule, viens avec nous, va à Londres, parce que tu parles pas l'anglais, tu verras les filles, va voir les filles, et va, et ça te dégourdira et tu apprendras l'anglais. Je dis oui, capa, et puis je pars à Londres, je vois pas les filles, j'apprends pas l'anglais. Bon, je me dis, mais ce qui a été déterminant pour être sérieux dans ma, je sais pas, dans ma photographie, dans le fait d'être photographe, c'est d'avoir compris par Cartier-Bresson c'était essentiel de passer à la photographie la culture picturale, la forme. Comme dans toute expression, il y a le fond et la forme. Et s'il n'y a pas la forme, si vous écrivez magnifiquement et qu'il n'y a pas d'orthographe et que c'est en baragouin français, ça ne convaincra personne. La même chose pour la musique. Si vous tapez des casseroles, ce sera peut-être drôle, mais il vaut mieux qu'il y ait à apprendre le solfège et le rythme, c'est-à-dire des bases. Et avant, enfin, à part quelques exceptions, la photographie, c'était le reflet d'un portrait, d'un paysage, c'était brillant, la lumière faisait briller les feuilles, quelque chose de drôle, d'amusant. Mais la forme, c'est finalement, à condition qu'il n'y ait pas que ça. Et ça, je l'ai appris par Henri. Et je ne crois pas au talent. Je ne crois pas que j'ai eu du talent, je ne sais pas ce que ça veut dire, le talent même. Je crois aux prédispositions. Eh bien, ce fait d'avoir aimé par instinct la géométrie, descriptive, j'ai dit dans l'espace. On en parlait hier, oui. Oui, et cette... vous savez, la géométrie descriptive, c'est de mettre sur un plan les trois dimensions dans l'espace. Eh bien, moi, je bouge ici, ça bouge complètement l'image, l'une par rapport à l'autre. Eh bien, ça, c'est extraordinaire, parce que non seulement ça permet de donner une discipline, on comprend la discipline, donc on travaille sur cet instinct de trouver dans l'espace, dans la réalité, des formes que l'œil apprécie. Et d'ailleurs, le plaisir de l'œil, je trouve, c'est le plus grand des plaisirs. C'est par l'œil que passe la découverte du monde, la découverte d'un beau visage ou d'un beau paysage ou d'une scène qui... Et alors, en plus, la photographie, c'est l'instant. Et c'est miraculeux, ça, d'avoir un instant qui est différent de tous les instants d'avant et d'ailleurs. Et j'appelle ça l'instinct de l'instant. Et je ne ferai pas avec prétention une citation un peu curieuse de quelqu'un qui n'a pas connu la photographie, c'est Shakespeare. Shakespeare a dit « Le temps est la voie lactée des instants. » Au temps de Shakespeare, la voie lactée, c'est la seule chose qui donnait l'idée de l'infini. Les instants, c'est des infinis. C'est une infinie d'instants. Si on combine avec toutes les possibilités de mettre un appareil, ici, il y a des milliards de photos possibles. Cartier-Bresson vous inculque ça, vous apprend ça? Je l'ai appris avec lui, j'ai compris, et je pense qu'il a changé. C'est lui qui est le premier dans la photographie, d'ailleurs. Il était devenu pour moi un tyran, parce que non seulement j'ai appris ça, mais après, il voulait aussi me décider pour moi ce que je devais lire, les musées que je devais voir, l'appareil que je devais utiliser. C'était un tyran, mais je dois dire un tyran très salutaire. C'est-à-dire, si je n'avais pas eu ce tyran, je serais resté comme des milliers de photographes. D'ailleurs, il y en a peut-être des millions aujourd'hui de photographes. Et une fois que cet apprentissage a été fait, là, Capa vous tape dans le dos, comme vous dites. Ah oui, mais non, mais l'influence de Capa... Oui, il y a eu une influence de Capa, mais l'influence de Cartier-Bresson a été plus sur un long terme. J'ai retrouvé, vous savez, je ne suis pas collectionneur, il n'y a qu'une chose que j'ai gardée comme des lettres, peut-être une ou deux autres, mais c'est les lettres de Cartier-Bresson. Et en ce moment, j'ai dû les ressortir, et on a trouvé 75 lettres de Cartier-Bresson. Catherine, qui est beaucoup plus intéressée que moi, ma femme, qui a 25 ans de moins que moi, est très intéressée par lui. Elle me dit d'ailleurs, c'est des magnifiques lettres. Il m'engueulait, il me disait, mais un sens de la culture, mais pas superficiel, le sens de visuel. Il disait d'ailleurs, c'était catégorique, on est visuel ou on ne l'est pas. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une lettre où il me disait, tu es né géomètre. Et c'est la plus grande... De la part d'Henri Cartier-Bresson, oui. Et je crois que c'est une chance. Et c'est parce que j'étais timide et que je ne parlais pas et que je ne faisais que regarder que je me suis amusé à regarder de plus en plus. C'est mettre à profit son caractère, d'une certaine manière. Mettre à profit mes prédispositions. Vous voyez pas des talents. Et je crois qu'il faut cultiver, même en photographie, le hasard joue un grand rôle. Mais si vous ne mettez pas le hasard de votre côté, si vous ne cultivez pas le hasard, il ne faut pas traiter le hasard comme du hasard. Il faut savoir le diriger, le choisir. Marc Riboud, vous êtes un rebelle. À 30 ans, vous avez quitté Lyon, vous avez quitté votre métier, vous avez quitté votre famille, vous choisissez de devenir photographe. Ça se passe comment du côté de la famille, ce choix-là? Oh, vous savez, d'abord... Non, parce que j'ai plus mon père, les autres étaient mariés, allaient de côté. Non, ils ne s'intéressaient pas beaucoup à moi. Mais c'est quand même une formidable rupture par rapport à... Oui, alors je vais vous dire, c'est parce que ça a été un réflexe pour moi de rompre les amarres, aussi bien vis-à-vis de la famille de Magnum, c'était une famille, une petite famille. J'étais encore timide et je me disais, ces photographes en petit groupe, ils parlent de trucs que je ne comprends pas, d'appareils que je ne comprends pas, de journaux que je ne connais pas. Alors, je ne me trouvais pas à l'aise. Je me dis, je vais foutre le camp. J'ai acheté une Land Rover d'occasion au photographe... George Roger. Oui. Il était revenu avec une Land Rover d'une équipée du Cap au Caire. Du Cap au Caire. Et moi, j'ai pris la voiture pour aller de Londres, j'ai pris à Calcutta. Et on m'avait bien prévenu, il y avait deux difficultés de Londres à Calcutta. C'est de sortir de Londres et de rentrer à Calcutta. Mais il y en a eu quelques autres. Mais en général, il n'y avait qu'une route. Alors, mais c'est vrai que l'entrée à Calcutta, c'est quelque chose. J'ai mis 6 mois pour aller de l'un à l'autre. On est en quelle année à ce moment-là? Ça, je suis parti en 55. En 54, j'ai passé presque l'année à Londres à ne pas voir les filles, à ne pas apprendre l'anglais, mais à faire plein de photos. Et à croiser une dernière fois Robert Capa aussi. Ah oui, je l'ai vu, peut-être le dernier de Magnum. Parce qu'il venait me voir, il était, je ne sais pas, apitoyé par un petit garçon que j'étais. Pourtant, j'avais près de 30 ans, mais je ne sais pas, j'étais... Oui, il avait un tempérament très tendre, très. Il se débrouillait parce que j'avais pas le sou à Londres, il m'en apportait. Et puis il a voulu m'obtenir une commande, il a dit à un patron du journal Picture Post de me faire travailler. Le patron de Picture Post qui disait, nous avons fait une série sur les meilleurs et le pire des villes anglaises, mais nous l'avons terminé. Puis après tout, il n'en reste qu'une, c'est Leeds, mais que personne n'a voulu la faire parce qu'elle est la ville la plus triste d'Angleterre. Alors Capa saute là-dessus et dit, oh, Riboud vient de Lyon, qui est la ville la plus triste de France, ça sera parfait pour lui. Alors, c'est là qu'on se rend compte quand même que Robert Capa, le photographe de la guerre d'Espagne et du jour J, entre autres, devait quand même taper du poing sur la table pour recommander quelqu'un. Il ne tapait pas du poing, mais il était tellement convaincant. Et d'ailleurs, le même jour où il a dit ça et où finalement le Picture Post m'a donné la commande, et c'était en avril 54, 10 ans après le débarquement, il préparait le numéro spécial. Et il dit, Capa dit, bah, pour ce numéro, vous allez faire la photo qu'il a faite, Capa, de débarquement. Et puis Picture Post dit, Bob, on peut pas, depuis quelques mois, on fait la couleur pour tous les numéros, pour les couvertures de tous les numéros, on peut pas faire... Alors Capa dit, ben justement, si vous faites toujours de la couleur, ça sera exceptionnel de faire. C'est une photo exceptionnelle, c'est un anniversaire exceptionnel. Finalement, Alan Spooner, le patron, a dit « Bah d'accord, oui Bob, oui Bob ». Et puis il n'a jamais vu la couverture. En fait, la couverture, je crois, était sur Kappa, puisque deux mois, trois mois après, il est mort. En Indochine. En Indochine. Et je l'avais vu deux, trois semaines avant, dans l'hôtel où il était, et il m'avait reçu dans sa baignoire. Enfin, j'étais dans la salle de bain. Oui, en tout bien tout honneur, vous voulez dire. En tout bien tout honneur. D'ailleurs, il m'a dit, c'était merveilleux, parce qu'il m'a dit, oui, oui, tu verras, la photo, c'est fini, c'est la télé qui va prendre le dessus. Et on était en 54. Quand j'ai appris qu'il était tué, je suis rentré à Paris, Magnum était sans dessous, et tous des orphelins. Et donc deux ans, non, l'année suivante, c'est là que vous êtes parti pour ce grand voyage vers l'Est. Mais avant qu'on en parle, je voudrais revenir sur une photo, puisqu'on fera quelques retours sur images pendant ces entretiens, de cette époque-là, une photo de cette époque-là, de 53 précisément. Je vous la donne, vous pouvez la décrire. Oui, ben, j'ai beaucoup flâné dans les rues de Paris en 53. Et oui, c'est une bonne sœur de Saint-Vincent-Paul avec sa coiffe. Enfin, ce truc, cornette. Avec sa cornette. Elle a un grand chapelet. Elle est accoudée à la vitre de taxi. Et vous savez, à ce moment-là, la taxi, pour indiquer qu'il était libre, il y a une espèce de petit panneau qui se relève et on voit libre, ce taxi était libre. Et la bonne sœur, au fond, a l'air de draguer le chauffeur. Quelqu'un m'a dit, elle ressemble à un modèle, ou bien même à une femme que j'aime beaucoup, qui est adorable, une photographe qui s'appelle Sarah Moon. Et là, cette sœur, bonne sœur, a une attitude tellement décontractée, tellement, vous voyez, les deux pieds comme ça, elle me regarde, elle n'est pas du tout. Et derrière, il y a Notre-Dame. Et c'est les quais, tous les bouquinistes sont fermés. On vous a dit, elle est posée, cette photo, elle est fabriquée. Oui, quelqu'un pourrait le dire, mais vous vous rendez compte, il fallait que je parle à une bonne sœur. Je n'étais pas à ce moment-là capable de le faire. Et oui, vous dites, c'est à l'époque, vous étiez timide, mais en même temps, c'est une photo pleine d'ironie. Il y a de la moquerie. Peut-être, oui, non, mais ça, c'est vrai. Vous savez, j'ai appris par Cartier-Bresson aussi qu'il fallait regarder une photo à l'envers pour voir si elle était bien composée. C'était vraiment notre grande manie. Est-ce cette photo bien composée? Là, à l'envers, je vois bien, parce qu'il y a la ligne du lampadaire, là, saute, l'équilibre entre la bonne sœur et Notre-Dame, et puis le taxi. Et le personnage principal, on ne le voit pas, c'est le chauffeur du taxi, qui est dragué par une bonne sœur. Mais enfin, non, mais là, j'aurais pas pu. Non, ça se voit. D'ailleurs, je pourrais vous montrer la feuille contact. J'ai qu'une photo d'elle. Donc, quand c'est posé, on mitraille. On en fait plusieurs. On espère que la pose sera. Par exemple, il y a une petite faute, là. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas être parfait. C'est le personnage qui est coupé, là. À l'arrière-plan, enfin au second plan. Oui, qui est en second plan, le long de, au bord du trottoir. Et qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas tout réussir, mais. Et il y a une autre photo à l'époque, la première que vous vendez à Life. Qui est le fameux, qu'il est vendu, mais enfin, le fameux peintre de la Tour Eiffel. Oui, oui, oui, oui, oui. Avec un air de Buster Keaton, qui l'a vendu Je sais pas. Il y a John Morris qui dirigeait le bureau de Magnum New York. Kappa l'a vu et a aidé à la vendre. Enfin, il a dit que ça devrait marcher. Et puis aussi, il a dit ah tiens, je suis sûr qu'on fera une vente avec cette photo avec. Le cognac, parce qu'il aimait bien le cognac comme le champagne. D'ailleurs, il appelait Magnum l'agence à cause du champagne. Et il connaissait les gens de cognac. Et il a appris que la Tour Eiffel, d'ailleurs c'était dans un journal, était en train d'être peinte couleur cognac. Il a dit, c'est formidable. Mais il a oublié une chose, c'est que la photo était en noir et blanc. Alors la couleur cognac, au revoir. Mon baiser. Donc c'est une image qui a eu du succès plus tard en fait, parce que c'est devenu est-ce qu'on dit un best-seller pour une photo, je ne sais pas. Mais j'ai pas dit. Non, je crois pas qu'on l'ait dit, parce que je vais vous dire, elle a été publiée par Life en 1953, peu de temps après qu'elle ait été prise, mais pas tout de suite. Il y a eu une carte postale faite par Agathe Gaillard quelques années plus tard. Et puis après, petit à petit, vous savez, c'est parce qu'elle est une photo simple, un peu comme un logo, la forme est simple, et puis c'est un peu plaisant, ce peintre danseur. Oui, oui, on pense à Buster Keaton. Mais non, ça n'a pas été un best-seller, ça a été un peu la photo qui m'a, comme un logo qui me représentait. Il y en a deux, il y a celle de la fille à la fleur et puis la tour Eiffel. La fille à la fleur dont on parlera, bien entendu, dans les jours qui viennent. Et donc, vous disiez, en 55, vous prenez la Land Rover de George Roger, vous allez de Londres à Calcutta, lentement finalement, vous ne prenez pas l'avion. Ah non, pas l'avion. À voix nue, Thomas Baumgartner, en compagnie de Marc Riboud. Troisième épisode, troisième étape de notre rencontre avec le photographe Marc Riboud. Hier, nous avons parlé de son entrée à Magnum, agence de légende, et de ses débuts sous l'autorité d'Henri Cartier-Bresson et de Robert Capa. La conversation d'aujourd'hui pourrait s'intituler « Éloge de la lenteur ». Annick Cogent, journaliste au Monde, qui connaît bien Marc Riboud, dit de lui que c'est un voyageur magnifique, un passionné du monde, un monde dont il a déjà fait plusieurs fois le tour sans se lasser, mais lui-même affirme qu'il est un promeneur plus qu'un globe-trotteur. Voilà une chose qu'on va pouvoir expliquer aujourd'hui. Marc Riboud voyage loin et souvent, il revient dans des pays comme on revient voir des amis, tout en prenant le temps de voir les choses. Bonjour Marc Riboud. Bonjour. Avant même de parler de photographie, puisqu'on parle de lenteur, vous-même, vous dites que certaines choses dans votre vie se sont faites lentement. Jusqu'à 40 ans, vous étiez libre, vous n'aviez pas fondé de famille. Oui. Et j'ai l'impression d'ailleurs que tout ça s'est passé, de ma part en tout cas, sans plan, sans... Moi, je crois que c'est comme ça que ça arrive, les choses arrivent. Longtemps, j'ai pensé que je resterais toute ma vie un éternel célibataire, un éternel étudiant. Je crois que ce qui caractérise ça et ce qui a entraîné plutôt cela, c'est que je suis un invétéré indépendant. J'ai jamais été salarié, sauf quelques années quand je faisais des stages ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, je ruais dans les brancards. Mais je crois que c'est à la fois une chance et une grande difficulté d'être indépendant. Parce que... On est seul. Seul, et puis je parlais professionnellement aussi. Oui, vous savez, j'étais dans Magnum. J'étais parti de l'agence Magnum. Mais vous savez, à Magnum, on n'avait jamais de garantie. Il y a des photographes. Je pense à Georges Rodin, qui était malin, qui pendant 2 ans, 3 ans, n'a pas touché un sou par Magnum. Même s'il avait quelques archives à ce moment-là. Et moi, c'était difficile, on est en perpétuelle question de ce qu'il faut faire ou pas. Quand on peut partir, quand on veut et où on veut, on a la tentation de partir nulle part. Moi, je trouve qu'il faut des contraintes, de plus en plus. D'ailleurs, quand il arrive d'avoir une commande en disant ben, « on vous donne carte blanche », je dis « j'aime pas du tout ça ». L'absence de contrainte. Je préfère avoir une contrainte contre laquelle on peut se rebeller, contre laquelle on peut se plaindre. Mais... Ça donne une direction. Voilà, et puis on a une base. C'est vrai, il faut une base. Moi, j'ai souvent essayé de quitter la base. Ou l'idée. Mais pour gagner sa vie, dans le métier que nous avions, je vous dis nous avions de photojournaliste, de faire des reportages, la façon de gagner sa vie, c'était des publications dans la presse. Et pour ça, la presse, vous le savez, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a des sujets qui marchent, comme on dit, et qui seront, qui donnent des chances d'être publiés, puis il y en a d'autres qui n'intéressent personne. Moi, il m'est arrivé de partir 3 mois dans un endroit, pays ou quelque part, revenir excité comme une puce sur l'endroit d'où je venais, et m'aperçois que ça n'intéresse personne, même dans ma famille. Ils continuent leur vie, leurs préoccupations, ce qui se passe autour d'eux. C'était le cas pour le premier voyage en Chine, en 1957. Quand vous êtes revenu, c'était difficile de vendre des photos. Oui, c'était d'autres raisons aussi. Il y en a eu de publier, parce que nous, on ne vend pas des photos, on vend des droits d'auteur. On essaye de faire publier les journaux. Et ils ont été publiés un peu aux États-Unis, qui découvrait la Chine, qui ne venait pas bien, mais pas beaucoup. En France, non, parce que, je ne sais pas, c'était le seul journal, Point de vue, Image du monde, Match, n'était pas tellement intéressé, en 57. Mais ces photos que j'ai faites en 57 sont terriblement intéressantes et importantes pour moi, et pour leur diffusion, et les photos dans les galeries, les tirages, parce que c'est une époque où il n'y avait pas de photographes occidentaux en Chine, et une époque extraordinaire à découvrir. Mais ça, c'est une chose qu'on verra demain, puisque tout l'entretien de demain sera consacré à la Chine, qui est un pays où vous êtes retourné de nombreuses fois. Pour revenir à ce qui s'est passé, donc à 40 ans, vous fondez une famille. Est-ce que c'est facile de concilier une vie de photographe promeneur, si on ne doit pas dire globe-trotteur, avec une vie de famille? Il faudra le demander à ma femme d'alors. Parce que... Si, c'était pas facile, bien sûr. Je me souviens d'être parti, je me suis marié, je sais pas pourquoi, au Mexique, parce que Barbara, ma femme d'alors, et premier mariage, était américaine, je me suis marié là-bas, un peu en cachette, parce que ma famille aurait pu être un peu choquée De quoi ? Du mariage faisait une américaine, noire, donc c'était pas... vous savez, n'importe qui en France était à ce moment-là terriblement enraciné dans des préjugés. Alors, bon, mais oui, je suis parti une semaine après en Afrique, mais non, c'était si. Je m'adapte en général. Je m'adapte, et puis il y a deux garçons adorables qui sont nés. Et qui sont beaux, et que dont je suis fier. Alors, tout ça, c'est... Mais ça m'a surpris. Le mariage m'a surpris, les enfants m'ont surpris. J'étais content, et tout. C'est une... Et puis... Non, j'ai rompu aussi, à ce moment-là, un peu avec Lyon, où j'étais né. Je n'y allais plus du tout. J'ai envie d'y retourner, maintenant. Et j'y retourne, et je vais y retourner, mais c'est une façon de... Là, Lyon, ça représentait aussi toute une partie de mes souvenirs, mes souvenirs de famille avec lesquels je n'avais plus rien de commun. Mais je n'avais rien contre, mais il y a des tas de cousins que je ne revoyais absolument pas, des tas de membres de famille même. Mais, vous savez, c'est très prenant, la vie de photographe. Très. C'est pas du tout les 35 heures, ou même la journée, c'est pas du tout les... On est photographe tout le temps. C'est plutôt, mais moi, il y a beaucoup plus de temps, en tout cas maintenant, à s'occuper des photos que de faire des photos. Moi, mes vraies vacances, quand j'en ai marre des... papier de tout le travail qu'il faut faire, c'est d'être en voyage et faire des photos. Et bien que c'est pas toujours agréable, c'est dur, je me suis trouvé dans des situations dures, tout ça. Mais comme vous dites, moi je trouve que c'est une chance extraordinaire de connaître le monde, voir des gens. Mais on s'aperçoit très vite aussi que les hommes, les femmes, les enfants sont un peu dans le monde entier, sauf des cas extrêmes. semblable. La gamme de sentiments chez les gens, c'est les rapports de famille, c'est les rapports de travail, c'est l'amitié, c'est la jalousie, c'est l'humiliation, c'est partout un peu la même chose. Ceux qui gagnent plus d'argent, les plus débrouillards, les plus malins, et puis ceux qui sont derrière. Moi, j'ai beaucoup aimé aller en Afrique. Justement, j'y pense parce que il y a un proverbe ghanéen, on appelle un adage ghanéen, qui dit « L'étranger ne voit que ce qu'il sait ». C'est tellement juste, les étrangers, pour les Africains, c'est les Occidentaux, qui en général, nous voyons que ce que nous voulons voir, que ce que l'on sait. Quand vous dites que vous êtes plutôt un photographe promeneur qu'un photographe globe-trotteur, ça veut dire aussi chercher un autre rapport au temps, essayer de voir les choses qu'on ne sait pas forcément pour aller à l'encontre de l'adage dont vous parliez à l'instant. Oui, c'est vrai, j'adore me promener. Je cherche de plus en plus à ne pas être chargé de trop d'équipement et de me promener. Et j'ai une réaction curieuse. Quand je marche le long du trottoir, je ne fais pas de photo, je traverse et je vais de l'autre côté. Mais marcher m'aperçoit aussi que pour bien connaître une ville, qu'elle soit petite ou grande, il faut s'y perdre. Et si on s'y perd, c'est difficile de se retrouver, surtout en Chine, les gens parlent pas enfin, beaucoup notre langue, l'anglais. Mais ça oblige le regard, la mémoire aussi de l'œil, de ce qu'on a vu, les différences. Et puis, moi, j'aime quand il y a de la vie et cette possibilité de regarder intensément quand on est dans une ville que l'on découvre. Je fais moins de photos à Paris parce que j'ai moins de surprises. Mais je devrais aller dans des coins que je ne connais pas. Mais la lenteur, je crois, est ne pas être obligé. Vous savez, on a l'impression... Dans notre métier, comme dans d'autres, on est pressé par le temps. Le temps. C'est toujours... Il faut envoyer des photos et puis il faut... Vous savez l'expression en anglais « the deadline », la ligne de mort. C'est terrible. Eh bien, c'est comme si c'était une consigne permanente lorsqu'on fait un reportage. C'est pour ça que je refuse beaucoup des obligations de reportage, parce que je me suis aperçu qu'en laissant, en prenant le temps, et quand le temps prend le dessus sur l'exigence de raisons extérieures, eh bien, on voit moins bien. Pourtant, vous avez travaillé très directement pour la presse. Il y a eu des périodes où vous étiez au Vietnam en 67-68, où vous avez photographié le procès du Watergate en 73, vous étiez à Alger en 62, la veille de l'indépendance, vous étiez au procès Barbie en 87. Tout ça, c'est de l'actualité. Et on peut pas. Est-ce que vous réussissez à avoir le luxe de la lenteur et du temps dans ces cas-là? Écoutez, ça n'est pas ce qu'on appelle le temps et la lenteur, mais tous ces exemples que vous avez donnés n'ont pas été dictés par une commande. C'est moi qui ai décidé d'y aller. Et quand j'ai voulu vous parler de l'Algérie en dernier, au moment de l'indépendance, avant l'indépendance, j'étais en Algérie. Je courais les orettes, tout ça, en montant dans des voitures, choses. Et à un moment, je me suis retrouvé avec un groupe du FLN, et il y avait là Krim Belkacem, deux ou trois des grands leaders de l'Algérie indépendante, dans la Kabylie, ils m'ont demandé de les suivre. Et c'était très curieux, parce que c'était pour eux, j'ai compris après, la seule raison, la seule possibilité que je ne rentre pas pour dire qu'ils sont là, mais de rester avec eux. J'étais couché avec eux dans un endroit, j'étais pris dans une voiture, et puis on suivait, ça a duré deux ou trois jours. C'était merveilleux. Il n'y avait pas un autre journaliste, pas un autre photographe. C'est à la fois le hasard et j'avais pas la nécessité d'envoyer, de retourner à Alger pour envoyer des films d'une chose qui était beaucoup moins importante que celle que je faisais là, à ce moment-là. Donc, c'est la lenteur et la liberté, qui n'est pas toujours une liberté de faire ce que je voulais, c'était plutôt faire ce que je pouvais, avec liberté. Et avec un regard libre aussi. J'ai vu Krim Belkacem libérant deux prisonniers, deux Français, un garçon et une femme, qui avaient été arrêtés avec du plastique dans les... Et ils étaient de l'OAS. Et Krim Belkacem a été très généreux, je pense un peu, parce que j'étais là. Je pouvais montrer, parce qu'il était un homme d'État, il allait devenir un homme d'État, qu'il valait mieux gracier que de fusiller. Et eh bien, il a fait ce geste, et j'ai toute une série de photos que Match a mis deux ou trois doubles pages. Et j'ai su après que Krim Belkacem a été très reproché par les autres, et pas à cause de ça, il a été assassiné par d'autres gens du FLN. Mais c'est passionnant. Eh bien, ça, c'est la lenteur, la disponibilité de comprendre un peu que ça peut être intéressant de rester, d'attendre. Je l'ai fait souvent comme ça. Et c'est une actualité. Bon, Match, dans l'indépendance de l'Algérie, avait 6 photographes et des reporters et tout ça. Et j'ai eu 2 ou 3 numéros où j'avais la majorité des photos. Et parce que finalement, si on colle à l'actualité, on attend ce qui se passait, puis on ne fait pas tout. Et puis d'ailleurs, je savais que Match faisait la vraie actualité. Roger Théron, à ce moment-là, très intelligent, il savait ce qui ne serait pas vu par les autres. La plupart des autres photographes, ils étaient en groupe. Ils faisaient un peu tout, la même chose, les mêmes sujets. Alors, mes photos, c'est autre chose. Alors, moi, je disais, c'est pas si c'était meilleur ou pas bon, ou moins bon. C'était différent. C'était au moins pas comme les autres. Et j'ai les photos du matin de l'indépendance, ça, c'était il y a 15 jours avant. C'était magnifique. J'étais pris ces foules de gamins dans ces rues descendant de Babel Oued. Oui, qui descendaient vers Babel Oued avec des drapeaux. Et c'était très excitant. Mais quelquefois, je rentrais aussi très vite avec un avion à Alger. Une fois, François, qui était le grand journal à ce moment-là, avait su, et ils sont venus m'attendre, il y a un type qui est venu m'attendre, journaliste, à l'arrivée de Orly, parce qu'ils avaient su que j'avais passé ces 3 jours avec le FLN. Et l'actualité dans ces cas-là m'intéresse beaucoup. C'est l'histoire, on est là, on est tout petit, j'ai pas d'équipe, j'ai rien. Mais je pense que l'attitude que l'on peut avoir, c'est en même temps, si les images dures ou sont fortes, pas seulement parce qu'il y a le point culminant de l'actualité, mais quand c'est des bonnes photos, quand c'est des photos que... Et ça, je le dois à Cartier-Bresson. Ce rythme-là que vous pouviez prendre, vous offrir d'une certaine manière, pas forcément la lenteur, mais votre rythme à vous, c'est grâce à Magnum ? Je dirais pas que c'est grâce à Magnum, et c'est pas non plus contre Magnum. Magnum m'a aidé à diffuser les photos, mais le choix des endroits, personne ne m'a demandé d'aller en Algérie. Ni un journal, ni Magnum. Et dans les autres cas aussi. Mais le fait d'y être, et puis de pouvoir aller en toute indépendance, vous rendre où vous vouliez, prendre les contacts que vous vouliez, se retrouver avec Krim Belkacem et le FLN en Kabylie, est-ce que tout ça était aussi possible parce que Magnum était une structure particulière, différente des autres agences, qui laissait la liberté à ses photographes? Ah mais non, mais tout photographe d'agence peut aller proposer, aller... Non, c'est des méthodes de travail différentes, mais... Non, mais il y avait bien d'autres photographes de Magnum qui auraient pu aller en Algérie. Mais d'où vient votre différence? Parce que vous dites que les autres photographes étaient ensemble, prenaient les mêmes photos d'une certaine manière. Vous, ça, j'exagère un peu, ils ne sont pas tous ensemble. C'est schématique, bien entendu. Mais c'est le cas de plus en plus. Et moi aussi, j'ai participé. Vous parliez du procès Barbie. Eh bien, là, il fallait d'abord... Le monde entier voulait être présent, être... télé, radio, tout. Et finalement, j'avais posé ma candidature, et puis j'étais complètement refusé. Et alors, j'ai fait état de ce que j'étais dans le maquis et la résistance au monde 1, après que j'étais lyonnais, né à Lyon. Et puis, un garçon qui s'appelle Serge Chalon était responsable de la photo de Lyon, de Libé Lyon. Il y avait un Libération Lyon. Tout ça a fait que j'ai pu être un des trois ou quatre photographes. Dans ces cas-là, il y a toujours le photographe de AP, de FP, les agences qui couvrent beaucoup plus. Donc, j'ai pu être là. Et bien justement, il y avait télé, on avait droit à 5 minutes, 10 minutes, près de Barbie. Serge Chalon voulait tellement que j'ai couleur, noir et blanc, gros plan, tout. Alors là, et puis je me commence à photographier. Un appareil ne marchait pas, je sais pas, je n'étais pas accroché, j'ai dû reculer. Après, tous les photographes étaient devant moi. Mais si, alors, bon, je me suis de côté, puis j'ai eu des photos, puis oui, couleur et noir et blanc. Mais là, en effet, j'étais avec les seuls photographes et caméramen qui avaient pu être là. Donc, on était évidemment tous au même endroit. Mais partout, il y a la même chose. À l'Élysée, quand il y a des trucs, souvent, je me suis trouvé avec des groupes d'actualité. Mais quand il y a un sujet large comme l'Algérie, il fallait voir où l'OAS a fait sauter des bombes, il fallait... Et finalement, les journaux et même les agences envoient des gens qui connaissent, vous savez, connaissent les lieux, connaissent les contacts. Là, non, Magnum n'avait aucun contact là-bas. Marc Ribou, il y a une citation de Walker Evans, photographe Walker Evans que vous donnez souvent, qui est « Le photographe est un joyeux sensuel ». Est-ce que justement le secret, je ne sais pas si c'est le secret, mais en tout cas, la chose à savoir, c'est d'ouvrir ses sens. C'est ça que vous voulez dire en citant Walker Evans pour être un bon photographe? Écoutez, d'abord, il y a beaucoup de façons, de styles différents dans la photographie. Moi, en effet, Walker Evans, qui était cet Américain qui a à la fois écrit sur la photographie et qui a fait des photographies, et qui est plutôt au début du siècle dernier, dans les années 20-30, mais... Il a dit aussi l'œil est pour voir et non pour penser. Si vous voulez, ça s'adresse surtout, je pense, à toute une direction de la photographie qu'il faut respecter, qui est l'art contemporain. Il y a différents styles dans la photographie et je trouve qu'il faut vivre, on vit de son temps. Nous ne nous habillons pas comme notre grand-père et nos grands-mères. L'architecture, la musique, on n'est pas resté, même si Bach est merveilleux, et Mozart aussi. Alors, la photographie, et heureusement, change, il y a du mouvement. Mais ce qui m'a frappé, c'est de croire dans la photographie, dans un certain aspect, qu'il faille totalement rompre à tout ce qui était appris. C'est-à-dire, ça ne part pas des bases. Et c'est là où Walker Evans, et je crois, est important comme aussi référence ultra moderne, contemporaine, c'est que l'œil est fait pour voir et non pas pour penser. Et quand je vois des longues, longues théories intellectuelles, c'est tout de même une dérive. Et je pense que Cartier-Bresson, quand il disait... Lui qui a été surréaliste, lui qui a été un art, lui qui a vraiment adhéré à tous les mouvements différents de la pensée et de l'art. Il disait, on est visuel ou on ne l'est pas. Et Dieu sait si lui était littéraire aussi. Enfin voilà, ça c'est une... Donc il faut marier à la fois... Il faut savoir d'où on vient, connaître l'histoire de son art et en même temps ouvrir les yeux. Je crois qu'il faut rester un peu soi-même aussi, que moi je salue et j'apprécie des choses que je ne fais pas. Je suis aussi influencé par le temps où on vit. Je pense que les galeries importantes et les musées importants n'ont pas fermé la porte à la photographie la photographie du réel. Au contraire, c'est ce qui, dans les galeries, maintenant, a l'air d'être très apprécié, pour d'autres raisons aussi, parce que le papier photographique, vous savez, argentique, est en train de disparaître. Donc ça donne beaucoup de valeur aux photographies, aux tirages photographiques qui sont encore faits sur papier argentique. Et on voit que des tirages faits, moi j'en ai de 1950, 53, n'ont pas bougé et ont une qualité de papier parce qu'il y avait plus d'argent. Donc c'est intéressant. Merci Marc Riboud. Demain, nous parlerons d'une de vos fidélités, en tout cas un pays que vous connaissez particulièrement bien, pour vous y être rendu de nombreuses fois. Demain, nous parlerons de la Chine. À demain. C'était À Voix Nue, Thomas Baumgartner avec Marc Riboud, une réalisation de Gilles Davidas. Cette série d'À Voix Nue a été diffusée pour la première fois sur France Culture en avril 2006. Demain, à la même heure, suite et fin de cette série.